Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL au 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Alors après les monarques, on va s'intéresser à Didymo. Peut-être que vous êtes en train de vous demander qui est Didymo, qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est une algue qui prolifère dans les rivières de la Gaspésie et qui nuit entre autres à la reproduction du saumon. Alors pourquoi elle prolifère? À quel point est-elle nuisible? Est-ce qu'on peut la contrôler? C'est le sujet d'étude de Caroline Gillis. Elle est étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS et elle est avec nous au téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour Valérie. Alors tout d'abord, peut-être pour nous situer, elle ressemble à quoi cette algue? Est-ce qu'on peut, si on se promène sur le bord d'une rivière par exemple, est-ce qu'on peut facilement la reconnaître? Oui, en fait, l'algue Didymo, principalement, c'est une cellule, c'est une diatomée, donc elle est microscopique. Toutefois, elle produit des proliférations assez massives là, sur les rivières à saumon de la Gaspésie. Puis si on s'y promène, là, c'est certain qu'au niveau des berges, si elle est en prolifération, on va l'apercevoir, puis en fait, ça ressemble à du papier de toilette. Ah. Donc, c'est d'une couleur de blanchâtre à jaune à brunâtre. Puis, c'est ça, ça ressemble vraiment à du papier de toilette là, en bergerie. Ouais, d'accord. Donc, bien qu'elle soit microscopique, qu'elle soit unicellulaire, quand elle prolifère, ça finit par faire des amoncellements assez importants pour être facilement visible à l'œil nu. Oui, d'accord. Donc, elle est dans les rivières, en Gaspésie, partout en Gaspésie, ou est-ce qu'on la retrouve ailleurs également? Il n'y a pas de distribution de relevés très précis. Ce n'est pas systématique comme relevé. Toutefois, on prend des observations là, un peu partout en Gaspésie. On estime que plus de 75% des rivières à saumon de la Gaspésie sont touchées par des proliférations occasionnelles par moment en période estivale. Mm-hmm. Aussi, en Gaspésie, c'est certain que c'est principalement l'endroit où on la retrouve au Québec. Il y a quelques endroits au Bas-Saint-Laurent, mais c'est vraiment concentré dans l'est du Québec. Il n'y en a pas de relevé sur la côte nord, donc pas d'observation qui a été réalisée à ce niveau-là. Au niveau du Nouveau-Brunswick, le nord du Nouveau-Brunswick est touché. Mm-hmm. Et sinon, c'est un peu partout dans le monde en ce moment. Il y en a sur l'île de Vancouver et dans l'ouest des États-Unis, aussi dans le Maine et le New Hampshire. Mm-hmm. On a un peu en Europe et aussi en Nouvelle-Zélande. OK, donc il y en a quand même un petit peu partout. Mais donc, oui. Donc sa présence en Gaspésie, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce qu'elle était déjà établie là ou est-ce que c'est finalement une espèce exotique envahissante? Ou est-ce que simplement elle était déjà là mais qu'elle s'est mise à proliférer parce qu'il y a eu des conditions qui lui sont propices? Ben exactement, c'est des nouveaux résultats qu'on a trouvés ce printemps. Donc, en 2006, lorsque les premières proliférations avaient été rapportées, donc c'était la première fois qu'on répertoriait des amoncellements et des proliférations aussi massives de cette algue-là. Historiquement, il y avait quelques rapports qui disaient qu'il y avait des présences cellulaires, mais rien qui indiquait qu'il y avait des proliférations massives. Donc, depuis ce moment-là, puis de 2000 à 2010 environ, la croyance était que c'était une algue qui était exotique et qui pouvait être propagée de rivière en rivière. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a fait comme recherche dans le cadre d'un de mes mini-projets de doctorat, c'est qu'on a vérifié dans des carottes de sédiments. Donc, on est allé voir dans un lac du bassin versant de la rivière Matapédia en Gaspésie. Donc, on est allé voir, dans le fond, les sédiments du lac. On a vérifié, donc, est-ce qu'il y avait des cellules dans les sédiments historiques du bassin versant. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y en avait environ depuis les années 1970 dans le bassin versant. Donc, que la présence cellulaire devait être ici depuis plus longtemps que les proliférations. Mm-hmm. Donc, comme vous l'avez mentionné, on pense maintenant que c'est des facteurs environnementaux qui promouvoient cette algue-là, qui la permet là, de proliférer aussi massivement, tant en Gaspésie qu'ailleurs dans le monde. Mm-hmm. D'accord. Et donc, ces proliférations, est-ce que ça perturbe l'écosystème? En fait, c'est comme si on avait une rivière cristalline, puis ensuite on met un tapis massif sur le lit de la rivière. Donc, ça peut tapisser 100% du substrat sur toute la largeur d'une rivière. Donc, c'est certain que on passe d'un environnement assez neutre, assez cristallin, où il y a presque peu de productivité. Ensuite, on se retrouve avec une biomasse là, assez importante au niveau de la base de la chaîne alimentaire dans une rivière. Donc, ça modifie les communautés algales qui étaient là normalement. Ça modifie également la ressource alimentaire du saumon juvénile, donc les larves d'insectes aquatiques qui sont présentes dans le système. Donc, il y en a plus, mais ils sont de plus petite taille et moins diversifiés. Et donc ensuite, ce qu'on a tenté de regarder dans le cadre de mon doctorat, c'est, bon, est-ce que c'est une modification de la ressource alimentaire du saumon va affecter le saumon en soi? Donc, est-ce qu'il y a une diète appauvrie? Est-ce qu'il y a une croissance qui est tronquée? Donc, ce qu'on a trouvé comme résultat, c'est que puisque l'habitat physique est modifié carrément, le saumon juvénile s'alimente différemment. Donc, il s'adapte à la présence de l'algue didymon. Et au lieu de s'alimenter comme il le ferait s'il n'y avait pas de présence d'algue didymon, donc dans la colonne d'eau, il va s'alimenter à travers les amas didymon pour aller chercher des proies. Mais en fait, ces algues, est-ce qu'elles tapissent le fond ou est-ce qu'elles sont dans la colonne d'eau? Non, ils vont tapisser le fond de la rivière. D'accord. Et donc ça empêche le saumon d'accéder à sa nourriture? Ça l'empêche pas, c'est plutôt que ça concentre les larves d'insectes aquatiques dans les tapis d'algues. D'accord. Et est-ce que ces algues, bon, à part de modifier un petit peu l'accès à la nourriture, donc et d'avoir des conséquences sur toute la chaîne alimentaire, est-ce qu'également elles ont une certaine toxicité? Parce que des fois on entend parler de floraison d'algues rouges dans le Saint-Laurent qui ont une toxicité. Est-ce que c'est le cas pour la didymo? Non, l'algue didymo, c'est une diatomée, c'est une algue brune. Elle ne produit aucune toxine et puis elle ne rend pas l'eau là, impropre à la consommation. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème non plus pour la santé humaine, par exemple? Non, pas du tout. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il faut contrôler la didymo? Parce que, bon, je comprends que si ça gêne, si ça nuit à la prolifération des saumons, il y a toute la pêche derrière qui en pâtit. Donc, est-ce qu'on veut chercher à contrôler la prolifération de la didymo? C'est certain que là, on est toujours en phase, même depuis 2006, là, on est en phase de connaître quels sont les facteurs qui favorisent ces proliférations-là. Donc, en connaissant ou en acquérant des connaissances sur les facteurs de contrôle, mais ensuite, on peut amener des solutions de gestion ou de mitigation des proliférations lorsqu'ils ont lieu. Mais ça, c'est toute une avenue de la recherche qui est encore à réaliser. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on connaît comme facteurs qui peuvent influencer sur la prolifération de l'algue? Ce qu'on sait, c'est que cette algue-là, contrairement à, par exemple, une algue bleue, l'algue didymo adore et cohabite dans les mêmes habitats que le saumon juvénile. Donc, des eaux claires, des eaux cristallines, un substrat rocheux qui est stable, courant rapide, une eau quand même relativement froide et haute en oxygène également. Donc, si une période de crue ou un événement de crue pourrait arriver, c'est certain que ça limiterait un peu les proliférations. Donc ça, c'est une méthode de gestion qu'on a essayé d'employer ailleurs dans le monde, notamment en Nouvelle-Zélande, où on a essayé de relâcher des quantités d'eau suffisantes pour créer une crue et physiquement arracher le tapis de didymo sur le lit de la rivière. Est-ce que la lumière, par exemple, ça peut être un facteur? Je sais que des fois, on veut planter des arbres sur les rivières pour mettre de l'ombre, empêcher que la rivière réchauffe, etc. Est-ce que ça peut être un élément aussi, la lumière ou la température de l'eau? Oui, donc c'est une algue, donc elle a besoin de réaliser la photosynthèse. Donc, en limitant la quantité de rayons UV qui serait reçus sur le lit de la rivière, c'est certain que on pourrait là, diminuer une certaine quantité de prolifération à ce niveau-là. Donc, je comprends qu'il y a encore pas mal d'études à faire pour bien comprendre la mécanique de la croissance de cette algue-là. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce sujet-là? Je travaille sur le dossier depuis 2006. Donc, j'ai commencé au niveau de mon baccalauréat, à regarder l'impact de didymo sur l'écosystème. Oui. Et donc là, il reste encore un peu de chemin à faire. Où est-ce que vous en êtes? Je suis sur la fin de mon doctorat et je suis en rédaction de thèse en ce moment et en rédaction d'articles scientifiques. D'accord. Ben alors à ce moment-là, on va vous souhaiter bonne chance pour terminer ce bout de chemin, puis en espérant qu'on connaisse un peu mieux tous ces facteurs qui influencent sur la prolifération de didymo et puis qu'on pourra réussir à avoir des rivières propices au saumon, par exemple. Oui. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous. Donc, je rappelle que Caroline Gillis est doctorante en sciences de l'eau à l'INRS. On va faire maintenant une petite pause musicale sur CKRL 89.1. Et au retour, on vous parle d'un tout autre sujet. Il sera question d'urinothérapie.